Ça me dérange, ce gros machin qui pend. Je le gâte, je le range, mon bel engin. Mon gros truc. Ouais, mon gros truc. Bonsoir. Ouais. Ouais, je viens. Je vous présente mon truc. Ouais, je sais, c'est là. C'est impressionnant, ouais. C'est un gros truc. Au contraire, j'en suis fier, même s'il fait des jaloux. Mon bambou, mon gros truc. Ouais, mon gros truc. Il est doux sur le bout et bien large à la base. Je donne quelques coups à des personnes en phase avec mon truc. Avec mon truc, ouais. Ouais, mon gros truc. Plus dur que le tech. Plus chaud que le marbre, diamètre impec, comme un tronc d'arbre, une pièce rare, fort comme un turc, sacré braquemar, super truc, plus dur que le tech, plus dur que le tech, plus chaud que le marbre, diamètre impec, comme un tronc d'arbre, une pièce rare, fort comme un turc, sacré braquemar. C'est le même que mon papa. Il m'en a fait hériter dans sa grande bonté. Merci à toi, papa. Merci, papa. Pour le truc. C'est maman qui fait être contente. Et moi-même, j'espère qu'à mon humble descendance, comme